إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on commence un nouveau cours avec un nouveau livre, et le livre qui s'intitule Sharh Kitab Adab al-Mashi ila Salat. C'est un livre qui signifie, dont le titre signifie l'explication du livre des règles de yani, la façon de marcher vers la salat. Les règles qui expliquent comment la manière, ou les manières, hein, les bonnes manières de se diriger vers la salat, ou de marcher vers la salat. Et le livre contient donc également des livres, des explications sur les règles de la salat, les règles de la zakat et les règles du jeûne, siyam. Le livre est à la base écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais il a été expliqué par le cheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr. Donc aujourd'hui, donc, on va lire le livre avec son explication, Inch'Allah. Puis, c'est un livre très très bénéfique, vous allez voir. On avait fait, dans les cours, dans d'autres cours, on avait expliqué le livre qui s'intitule Shurutu Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha, c'est-à-dire les conditions de la salat, ses piliers et ses obligations. Ça, c'était la première partie du livre. Maintenant, on va faire l'autre livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur le fiqh qui s'intitule Adab al-Mashi ila Salat, avec l'explication. Donc, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا شرح مختصر للكتاب الذي اشتهر بكتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. Donc le cheikh, après avoir commencé en mentionnant le nom d'Allah, Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, et il n'a pas de partenaire. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô Allah, envoie ta bénédiction et ton salut, et ta paix sur et béni yani, et ta bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses fidèles et sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi ou tous ceux qui les ont suivis de la meilleure façon jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, il dit le cheikh que ça c'est une explication résumée du livre qui est connu par le nom célèbre de Adab al-Mashi ila Salat, c'est-à-dire la manière, les manières et les étiquettes de la marche vers la Salat, qui comprend l'explication des règles de la Salat, de la Zakat et du jeûne. Et c'est un livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc le Cheikh il dit, avant de commencer à faire le charh, il veut expliquer certains points et il va parler de quatre petits points avant de commencer l'explication du livre. Il dit premièrement, le premier point c'est que il dit, je ne sais pas d'où le livre, d'où le nom du livre a été pris. Est-ce que c'est le Cheikh lui-même qui l'a donné ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a intitulé de cette manière? Il dit, je ne sais pas. Et il dit, de toute façon, le livre ne parle pas seulement que des manières de marcher vers la salat. Donc, il dit, c'est comme si on donnait au livre un titre à cause d'une partie de son sujet, hein, même si ça ne comprend pas tout ce qui est dedans. Donc le cheikh il dit, « La adri mimman hasalat at-tasmiya bidhalik, hal hiya min al-muallif aw ghayri, wa la'allahu summiya bismin awwala bab, bismi awwala babin fihi, wa huwa min tasmiyatil kull bil-ba'd. » Donc c'est comme si, étant donné que le premier chapitre dans le livre c'est les manières ou les étiquettes de la marche vers la salat, probablement que c'est pour ça qu'on a donné à ce livre le titre de Adab al-Mashi ila Salat, hein, les manières de marcher vers la salat. C'est comme si à cause d'une partie on avait donné un titre à tout le livre en se basant uniquement sur une partie du livre. Et il dit qu'il y a beaucoup de choses semblables dans les livres de hadith, puis il donne des exemples de ça. Donc il dit, نظير هذا في عمل المصنفين في الحديث على سبيل المثال كتاب الأذان في صحيح البخاري فإنه اشتمل على 166 بابا المتعلق منها بالأذان والإقامة 28 بابا والأبواب الباقية في الجماعة والإمامة وصفة الصلاة وغير ذلك. Donc il donne des exemples. Premièrement, beaucoup d'autres auteurs et de savants qui ont écrit dans le hadith, ils ont fait des choses semblables. Par exemple, yani, le livre, dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre où il y a un livre qu'on appelle Kitab al-Adhan, le livre du Adhan. Il dit, ce livre contient 166 chapitres. Et seulement 28 d'entre ces chapitres sont concernant le Adhan et l'Iqama. Mais les autres chapitres qui restent sur les 166 sont au sujet de la prière en groupe, de l'imam, des règles de l'imam et de la description de la salat et ainsi de suite. Donc, le chapitre s'appelle Bab al-Adhan wal-Iqama, le chapitre au sujet du Adhan et de l'Iqama, l'appel à la prière et l'établissement de la salat, mais la majorité des chapitres, ou la majorité des points, ou des différents chapitres de ce livre, ne parlent pas du Adhan et de l'Iqama. Donc ça, c'est un exemple. Il donne un autre exemple aussi. Wa mithluhu kitab Salat al-Musafirin fi Sahih Muslim. Fa'innahu ishtamala ala ahadith kathira. تبدأ حسب التسلسل العام من حديث أو من الحديث 175 وتنتهي بالحديث 1836. Donc il dit, c'est comme le chapitre de la salat pour les voyageurs. Il dit, dans le livre de Sahih Muslim, on trouve que yani, il y a beaucoup de hadiths à ce, dans ce chapitre. Et ça commence du hadith 1570 au hadith 1836. Ok, il dit وأكثر هذه الأحاديث لا علاقة لها بصلاة المسافرين. La plupart de ces hadiths n'ont aucun lien avec la prière des voyageurs. ومن وهي من الحديث أو وهي من الحديث 1638 إلى 1836. Donc il dit, et ce sont les hadiths du numéro 1638 jusqu'au hadith 1836. Il dit la même chose pour Kitab al-Salam. فَإِنَّهُ اجْتَمَلَ عَلَى أَحَادِيثِ كَثِيرَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالطِّبِّ تَبْدَأُ مِنْ الْحَدِيثِ 5699 ومثله أيضا كتاب مواقيت الصلاة في جامع الترمذي فَإِنَّهُ اجْتَمَلَ عَلَى 219 بابا المتعلق منها بأحكام المواقيت 27 بابا وباقيها في غير المواقيت. Donc il dit la même chose pour aussi le livre de As-Salam, le livre de la paix ou de la salutation. Il dit la plupart des hadiths sont reliés à la médecine dans ce livre. Il commence du hadith à partir du hadith 5699. Et il dit la même chose pour le livre des temps pour les prières dans Jami' al-Tirmidhi, le recueil de hadith de l'imam al-Tirmidhi. Il dit qu'il contient 219 chapitres et il dit que les hadiths qui sont reliés aux règles des heures des prières dans ce livre sont seulement 28 chapitres. Le reste des chapitres dans ce livre concerne les autres choses que les temps des prières. Donc c'est pour dire que c'est pas grave que par exemple on nomme le livre par un de ces chapitres, même si la plupart de ce qui est dans le livre c'est à propos d'autres choses que du sujet qui est mentionné dans le titre. Hein, puisque ça c'est quelque chose qui est souvent le cas dans les livres qui ont été écrits par les imams du hadith. Le deuxième point, c'est pour expliquer pourquoi le cheikh n'a pas mentionné dans ce livre de fiqh le chapitre de la purification et le chapitre du hajj. Hein? Il a seulement parlé de trois piliers, la salat, la zakat et le jeûne. Pourquoi il n'a pas mentionné la purification comme c'est l'habitude des ulama quand ils écrivent des livres d'al-fiqh, et pourquoi il n'a pas parlé du hajj? Donc le cheikh, il essaie de répondre à ça. Il dit الثاني لم يذكر الشيخ رحمه الله فيه الحج والطهارة ولعله لم يذكر الحج لأن فيه كتبا ومناسك كثيرة وأما الطهارة فلعله اكتفى فيها بالرسالة التي ألفها في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فإنها مشتملة على شروط الوضوء وفروضه ونواقضه. قال الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله في أول تعليقه على هذا الكتاب لم يذكر المصنف رحمه الله كتاب أحكام الوضوء وشروط الصلاة قبل باب آداب المشي إلى الصلاة اكتفاء برسالة شروط الصلاة المتضمنة لذلك كله وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب فكأنها جزء منه وقد شرحت هذه الرسالة وطبع الشرح في عام 1425. Donc le cheikh il dit que la raison pourquoi le cheikh il ne l'a pas écrit, probablement parce que il n'a pas mentionné le hajj par exemple, parce qu'il y a d'autres livres séparés qui ont été écrits pour expliquer les règles du hajj. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits par des savants comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, beaucoup d'autres ulama, Cheikh Ibn Taymiyyah et d'autres. Ils parlent uniquement des règles du hajj dans ces livres-là séparément. Donc c'est probablement pour ça qu'il n'en a pas parlé. En ce qui concerne la purification, eh bien c'est probable qu'il s'est limité à ce qu'il avait écrit dans un autre livre qui s'intitule les conditions de la salat, ses piliers et ses obligations. Et dans ce livre-là, il a parlé des conditions du wudu, des obligations du wudu et des choses qui annulent le wudu, et ainsi de suite. Donc, il dit même qu'il y a un cheikh qui s'appelle le cheikh Mohammed ibn Abdul Aziz ibn Mani', rahimahullah, il dit au début de son commentaire de ce livre que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, n'a pas mentionné les règles du wudu dans ce livre. Pourquoi? Parce que, pourquoi il n'a pas mentionné les conditions de la salat? Et avant de parler des règles ou des manières de marcher vers la salat, parce qu'il s'est limité à ce qu'il avait écrit à ce sujet-là dans son livre, les conditions de la salat, qui contiennent les règles et les détails de ces choses-là. Et ça, c'est une chose qui était une habitude même chez les ulama en Arabie Saoudite, de commencer toujours par le livre, les conditions de la salat, avant de faire Adabul Mashi. La salat, c'était considéré comme une partie du livre pour eux. Et donc, le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, il dit, et j'ai expliqué ce livre, c'est-à-dire le livre des conditions de la salat et de ses obligations, je l'ai expliqué et le livre a été publié, et c'est une explication que j'ai faite en l'an 1425. Et effectivement, le livre, on l'a étudié ensemble. Bon, peut-être, vous n'étiez pas là, mais on l'a fait avec d'autres personnes. Et aussi, on l'a fait en ligne parfois aussi. Donc, on l'a complété en 14 cours, je crois. Attendez, c'est vérifié. Oui, c'est ça. 14 cours pour les conditions de la salat. Et le cours, il est disponible sur le site Salafi de Montréal. Les cours sont enregistrés. Le point numéro 3. عنيت في هذا الشرح بذكر الأدلة على المسائل بل يكاد أن يكون هذا الشرح بيانا للأدلة وما كان في الصحيحين عزوت إليهما وما كان في غيرهما اكتفيت بذكر مصدر أو مصدرين وفي الغالب يكون العزو إلى سنن أبي داود ووحده وما كان في غير الصحيحين بينت حاله من الصحة والحسن أو ذكر حال من تكلم فيه من رجال الإسناد بعد النظر في الأسانيد. Donc il dit que dans ce charh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est en général mentionner les preuves des différentes questions qui sont mentionnées, et il dit que on pourrait presque dire que ce charh, c'est une explication des preuves. Et il dit qu'est-ce qui était tiré des deux sahih, Al-Bukhari et Muslim. Il les a référés à Al-Bukhari Muslim en mentionnant le numéro du hadith. Donc, si c'était un hadith qui était rapporté dans si c'était un hadith qui était rapporté ailleurs que dans Al-Bukhari Muslim, il dit, je me suis limité à mentionner une ou deux sources du hadith seulement. Et il dit qu'en général, lorsque je mentionne la source du hadith, c'est de Al-Bukhari Muslim, sinon je mentionne uniquement de Abu Daoud seulement, dans ce qui est autre que pour As-Sahihain, autre que Al-Bukhari Muslim. Et il dit, si ce n'est pas dans Al-Bukhari Muslim aussi, j'explique son authenticité ou son état, c'est-à-dire si c'est Sahih, ou si c'est Hassan, et si ce n'est pas le cas, bien, il mentionne la personne dans la chaîne de narration qui a été critiquée ou qui a été mentionnée comme étant comme ayant des problèmes après avoir analysé la chaîne de transmission du hadith. والعزو إلى الكتب المشتمل على الأحاديث بذكر رقم الحديث فيما وضع له منها تسلسل عام كالصحيحين وكتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وغيرهما وغيرها وفي غير ذلك يكون العزو بذكر الجزء والصفحة كالموطأ وسنن البيهقي والمستدرك ومستدرك الحاكم وغيره وغيرها. وقد استفدت في بعض المسائل من تقريرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله على كتاب آداب المشي إلى الصلاة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. Donc il dit que il mentionne les hadiths qui ont été rapportés en citant le numéro du hadith, si le hadith en question est tiré des livres qui ont comme des numéros en série, des numéros de hadiths qui se suivent et qui sont générales, comme par exemple Al-Bukhari et Muslim et les quatre sunan, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et la Musnad de l'Imam Ahmad. Et il dit, tandis que les autres, ceux qui n'ont pas de numérotation générale ou qui sont, disons, reconnus, parce que tu sais que parfois, comme d'une édition à l'autre, les numéros des hadiths, parfois, ça changeait. Puis, il y a des gens qui ont fait des copies qui ont retranscrit les livres de hadith avec une numérotation, une numérotation qui ont été, comment je pourrais dire, arrangée de façon pour que ce soit une référence générale. Dans le sens que les ulama se référeront à cette numérotation-là. Ils ne vont pas utiliser d'autres numérotations ou d'autres édition des livres de hadith. Donc c'est à ces éditions-là que les ulama se réfèrent. Donc si tu vois les numéros qui sont mentionnés par exemple par le cheikh dans le livre, quand il mentionne le hadith dans le Bukhari et Muslim ou les autres, eh bien il se réfère à ces éditions de hadith qui ont été vérifiées puis que les ulama prennent comme référence, comme on dit des versions sur lesquelles on peut se fier, sur lesquelles on peut se fier vis-à-vis de la numérotation puis de l'authenticité. Al-Nusakh al-Mu'tamada. Donc, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit les livres qui n'ont pas une numérotation comme ça, donc il mentionne juste le numéro de la page et du volume, comme Al-Muwatta et Al-Bayhaqi et la Mustadrak de l'imam Al-Hakim. Et il dit que il s'est référé pour les commentaires qu'il a fait aux positions du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Al-Sheikh quand il a fait les commentaires sur ce livre. Et c'est des commentaires qui ont été rassemblés par le Cheikh Mohammed ibn Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah. L'imam Mohammed ibn Ibrahim, c'est qui? Est-ce que vous savez? Mohammed ibn Ibrahim? Non, c'est l'ancien mufti. C'est-à-dire, c'est le Cheikh de Cheikh bin Baz. Cheikh bin Baz, il est resté avec lui longtemps. Il l'a suivi pendant 40 ans. Il a été son élève. Il est très très proche. Naam. Je crois même qu'il avait épousé une de ses filles à un moment donné. Naam. Donc c'est pour dire que c'était un de ses élèves très très proches et ils étaient tous les deux aveugles. C'était Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il était aveugle, et Cheikh Ibn Baz, il était aveugle aussi. Rahimahum Allah. Donc le point numéro 4, le Cheikh il mentionne, il dit Ibarat al-Musannif. في الكتاب واضحة جلية وهو رحمه الله يذكر الأدلة في كثير من المسائل أو يشير إليها وبالمقارنة في عدة مواضع بينه وبين كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي تبين التطابق بينهما في الجملة. Donc il dit que les expressions du livre que l'auteur a employé sont très claires. Il mentionne les preuves sur la plupart des questions, sinon il indique ses preuves. Et lorsqu'on compare dans plusieurs parties de son livre, et le livre Al-Iqna', qui est un livre de fiqh, écrit par Moussa Al-Hajawi, un savant du Madhab Al-Hanbali, on voit des choses qui sont yani, qui correspondent ensemble dans la majorité des points. D'accord? Parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il était Hanbali de Madhab, hein, comme l'imam Ibn Taymiyyah et comme plusieurs autres d'entre les des ulama Hanabila. Et donc, il se réfère en grande partie au Madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal et des kutub, des livres de fiqh Hanbali. Sauf que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne suit pas aveuglément les madahib. C'est-à-dire que s'il trouve un dalil sur une question qui est plus proche de la vérité ou plus forte dans un madhab autre, il ne va pas rejeter cette preuve juste parce que ce n'est pas son madhab. Hein? Il se réfère à la preuve et il laisse de côté le madhab lorsque il considère que ce n'est pas la position correcte. Et une des preuves de ça même aussi, c'est qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre Kitab al-Tawhid. Et il y a un des chapitres de Kitab al-Tawhid qui s'intitule l'interdiction de prendre les savants et les dirigeants comme des seigneurs en dehors d'Allah. Hein? Et il mentionne dans ce chapitre-là les paroles d'Abdullah ibn Abbas et les paroles de d'autres également. Il explique ça, donc c'est pour dire que on ne suit pas un madhab aveuglément. Il dit ensuite wa as'alullah jalla wa ala an yaghfira lish-shaykh al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab wa an yajzila lahu al-ajr wal-mathuba ala juhudihi wa jihadihi fi nusrati ad-din في نصرة دين الله والدعوة إلى اتباع ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان. Il dit, on demande à Allah qu'il pardonne au Cheikh Mohammed, à l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, et qu'il lui donne la grande récompense pour ses efforts et pour son jihad dans la défense de la religion d'Allah et dans l'appel et l'invitation à suivre ce sur quoi se tenaient les salafs de cette umma parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Ayant dit ça, maintenant on rentre dans le chapitre bab adab al-mashi ila salat, c'est-à-dire les manières ou les étiquettes de marcher vers la salat. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on va citer la partie de qu'est-ce qu'il mentionne dans le texte, puis on va lire l'explication du cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad après chaque lecture de chaque point. Bon, la première phrase qu'il explique, le cheikh, c'est la suivante: Yasunnu al-khuruj ilayha mutatahhiran bi khushu'in li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha tawadda'a ahadukum فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. C'est-à-dire, c'est quelque chose de recommandé lorsque quelqu'un sort de chez lui pour aller à la salat de sortir en état de pureté. Mutatahhiran. Donc quand tu sors pour aller faire ta salat, la sunna, qu'est-ce qui est recommandé, c'est de sortir en état de purification. Tu peux sortir de chez toi pour aller à la mosquée même si tu n'as pas ton houdou, mais si tu as ton houdou, c'est mieux. C'est ça que ça veut dire. Wabi khushu', avec humilité, avec humilité et avec concentration, c'est-à-dire tu y vas humblement et avec recueillement pour Allah, c'est-à-dire tu te prépares à te recueillir à ton Seigneur. Les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, et la preuve de ça, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous a fait son wudu et qu'il l'a fait de la meilleure façon, fa ahsana wudu'ahu, et ensuite qu'il sort avec l'intention de se diriger vers la mosquée, ثم خرج عامدا إلى المسجد, qu'il n'entrelace pas ses doigts entre eux parce qu'il est dans la salat. C'est-à-dire, lorsque tu marches vers la salat, c'est comme si tu étais dans la salat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas entrelacer les doigts. Le cheikh, il explique, cheikh Abdul Muhsin, il dit min adab al khuruj ila salati an yatatahhara fi baytihi ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع وذل لله سبحانه وتعالى فلا يكون غافلا أو لاهيا أو متشاغلا بأمور أخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. C'est-à-dire, parmi les manières, parmi les étiquettes de la marche vers la salat, lorsque tu sors pour aller faire la salat, c'est que tu te purifies pour la faire de chez toi. Donc, en principe, tu n'as pas besoin de faire, comme si en principe, c'est pas obligatoire de le faire, mais c'est mieux de le faire chez toi. Donc, si tu sors de chez toi et tu as déjà ton wudu, ça c'est l'idéal. ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع وذل لله. Ensuite, il s'en va vers la salat avec humilité. Et avec recueillement, et concentration, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour envers Allah. Il ne doit pas être insouciant, indifférent, distrait par d'autres choses, préoccupé par d'autres choses que la chose pour laquelle il sort, c'est-à-dire pour la salat. Donc il ne doit pas commencer à se distraire par d'autres choses. Donc c'est ça que ça veut dire qu'il ne va pas entrelacer ses doigts. Commencer à penser à d'autres choses ou se préoccuper de d'autres choses pendant qu'il s'en va vers la salat. Il dit wal hadith bi lafz qarib min hadha fi musnad al imam ahmad wa isnaduhu fihi da'f wa lahu turuq yartaqi biha ila al husn. Il dit qu'il y a un hadith avec les mêmes termes que celui qui est mentionné, ou proche de ce qui a été mentionné par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans la musnad de l'imam Ahmad. Le hadith en question, c'est le hadith 18103. Il dit, par contre, dans sa chaîne de transmission, il y a un peu de faiblesse. Toutefois, ce hadith a d'autres voies par lesquelles le hadith atteint le degré de Al-Hassan. Ok? Donc, avec d'autres voies, d'autres chaînes de narration, eh bien, le hadith devient Hassan. Donc, il est bon, le hadith. On peut l'utiliser comme preuve. Les hadiths, quand il est, les degrés de hadith, les ulama, ils les mentionnent. Ils disent que le plus haut degré de hadith, c'est al-muttafaq alayh. Qu'est-ce qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Ça, c'est le plus haut niveau d'authenticité. Ensuite, il y a qu'est-ce qui a été rapporté par al-Bukhari lui seul. Et ensuite, qu'est-ce qui est rapporté par Muslim lui seul. Mais quand il arrive au degré de Hassan, on peut l'utiliser comme preuve dans la charia. Il est valable. Mais si c'est daif, non. Donc le cheikh il dit, وَمَعْنَا قَوْلِهِ فِي صَلَاتٍ أي أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّ فَلَا يَكُونَ لَهِيًا وَلَا عَبِثًا وَتَجَنُّبْ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ يَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُ آكِدٌ Donc le cheikh il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'il sort avec le wudu qu'il se dirige vers la salat, il est dans la salat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dans la salat? Ça veut dire qu'il a le même verdict que la personne qui est en train de prier, c'est-à-dire il ne doit pas se distraire ou commencer à faire des choses futiles, hein, des choses insignifiantes ou futiles, commencer à faire n'importe quoi. Non, il doit donc être concentré. Et il dit, le cheikh, le fait entrecroiser les doigts ensemble, ça fait partie de qu'est-ce qui est interdit. Hein? Si ce n'est pas permis de le faire durant le chemin vers la mosquée ou le chemin vers la salat, eh bien c'est encore plus interdit de le faire durant la salat. Donc, dans la prière, tu ne dois pas entrelacer tes doigts comme ça. Ça montre quelqu'un qui est impatient, hein, ou qui est indifférent, hein, comme si il n'est pas concentré, hein, comme s'il s'ennuie, hein, ou il n'est pas satisfait de qu'est-ce qu'il fait. Le cheikh, il continue, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue, il dit wa qawluhu wa an yaqul idha kharaja min baytihi walaw li ghayri as-salat بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأن أزل أو أزل وأن أظلم أو أظلم وأن أجهل أو يجهل علي. Donc Ça c'est qu'est-ce que le cheikh explique ici. Il dit que lorsque tu sors de ta maison, même si c'est pas pour la salat, en général, tu devrais dire le dua, hein, dua al-khuruj min al-bayt, c'est-à-dire l'invocation de la sortie de chez toi, de la maison. Donc quand tu sors, tu dis bismillah. Et là, le cheikh il mentionne une autre version que je connaissais pas, qui dit Amantu billah et atasamtu billah. La version que je connais, c'est une version qui ne mentionne pas ces deux termes-là. C'est la version que j'ai appris, c'est la version que le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad va mentionner par la suite, qui est dans At-Tirmidhi, selon Anas, qui dit directement Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, ça, c'est ce que je connais. Et après, il y a l'autre dua aussi qui dit Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal wa an azilla aw uzal wa an azlima aw uzlam wa an ajhala aw yujhala alayya. Donc tu dis au nom d'Allah, je crois en Allah et je reste fermement attaché à Allah dans ma foi. Je mets ma confiance en Allah. Rien, il n'y a pas de mouvement ni de force excepté en Allah. Oh Allah, je cherche refuge en toi de m'égarer ou d'être une cause dans l'égarement de quelqu'un, de faire une erreur ou d'amener quelqu'un à tomber dans l'erreur, de faire de l'injustice à quelqu'un ou d'être une victime de l'injustice de quelqu'un ou d'agir par ignorance ou d'être la personne vers qui ou envers qui on agit avec ignorance. Donc ça c'est le dua qu'on doit faire quand on sort de la maison. Le cheikh il dit wal ma'na annahu, donc le cheikh Abdul Muhsin il dit al ma'na annahu yad'u bi hadha ad-du'a idha kharaja min baytihi mutlaqan sawa kana li salatin aw ghayriha. C'est-à-dire que la personne elle sort de chez elle devrait dire ce dua qu'elle sorte pour la salat ou pour autre que la salat. Donc c'est un dua pour n'importe quelle sortie de chez toi. Et il dit wa fi sunan at-Tirmidhi an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala ya'ni idha kharaja min baytihi bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu kufita ووقيت وتنحى عنه الشيطان ها كفيت ووقيت ها وتنحى عنه الشيطان. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imam at-Tirmidhi rapporte selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit lorsqu'il sort de chez lui au nom d'Allah, je mets ma confiance en Allah. Il n'y a pas de force ni de mouvement excepté en Allah. Hein? Il lui est dit, hein? Il lui est dit, kufita, c'est-à-dire, yani, Allah te suffira. Hein? Kufita, c'est-à-dire, Allah il va te suffire. Wa wuqita, et tu seras protégé. Wa tanaha anhu shaitan, c'est-à-dire, et le shaitan va s'écarter de lui. الشيطان فاستكارته de lui. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وقال الحاكم عقبه وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة وليس كذلك فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ثم أكثر الرواية عنهما جميعا. Donc le cheikh il mentionne ensuite une autre narration d'un hadith selon Umm Salama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il sortait de sa maison, au nom d'Allah, je mets ma confiance en Allah, ô Allah, nous cherchons refuge en toi contre le fait de faire une erreur ou de nous égarer ou de faire de l'injustice ou de faire d'agir avec ignorance envers quelqu'un ou que quelqu'un agisse avec ignorance envers nous. Ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et il dit que c'est un hadith Hassan Sahih. Il est aussi rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak et il a été authentifié par l'imam Hakim et l'imam Al-Dhahabi a été d'accord avec lui sur cette authentification. Donc en général quand Al-Hakim déclare quelque chose comme étant sahih dans son Mustadrak et que l'imam Al-Dhahabi est d'accord avec lui, en général c'est que c'est sahih, que c'est sahih. Al-Mustadrak c'est un hadith, un livre de hadith écrit par l'imam Hakim. Et Al-Mustadrak, qu'est-ce que ça, le nom au complet du livre c'est Al-Mustadrak ala Sahihain, c'est-à-dire des hadiths qui sont sahih mais qui ne sont pas rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc ils ont écrit un livre comme ça, il a écrit un livre comme ça qui s'appelle Al-Mustadrak, c'est-à-dire pour ramener les hadiths qui n'ont pas été mentionnés dans le sahih de Al-Bukhari et de Muslim. Et il dit que donc lui il a essayé d'établir l'imam al-Hakim les conditions du sahih dans son livre, mais parfois il ne les a pas atteints. Et c'est pour ça que quand on dit wa wafaqahu al-Dhahabi et l'imam al-Dhahabi était d'accord avec lui, alors ça veut dire que yani, dans ce cas-là il a vérifié le tasrih de l'imam al-Hakim et il a été d'accord avec al-Hakim, donc ça vient confirmer la chose, hein. Et ensuite il dit que l'imam al-Hakim a dit après avoir mentionné ce hadith, peut-être que certains ont pensé que l'imam al-Sha'bi n'avait pas entendu directement de Umm Salama radiyallahu anha, mais ce n'est pas le cas puisqu'il est rentré chez Aïcha et Umm Salama toutes les deux et il a rapporté plusieurs narrations de ces deux d'entre les mères des croyants, hein, radiyallahu anhumah. Et il dit ensuite, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il dit, Qawluhu, le Cheikh Abdul Muhsin, il dit, Qawluhu, c'est-à-dire la parole du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, quand il dit, Wa an yamshi ilayha bi sakinatin wa waqar, li qawlihi, sallallahu alayhi wa sallam, sami'tu al-iqama, idha sami'tum al-iqama, فامشوا وعليكم السكينة فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَقْدُوا. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que yani, quand tu marches vers la salat, tu dois marcher avec tranquillité et avec dignité, avec repos. Hein, tu ne dois pas être pressé ou te précipiter ou te courir. Non. Tu marches avec calme, avec tranquillité, avec dignité. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez al-iqama, marchez alors vers elle, alors que vous êtes en tranquillité, en repos. Marchez de façon reposée. Et ce que vous attrapez de la prière, priez. Et ce que vous ratez, eh bien, refaites-le après. Hein? C'est-à-dire que lorsque tu arrives, par exemple, et que tu sens que tu risques de manquer le takbir à tous les haram, ou tu risques de manquer une rakat ou deux, yani, cours pas. Marche avec tranquillité. Puis, ce que tu attrapes avec l'imam, prie-le avec l'imam. Puis ce que tu manques, tu le fais après, hein? Tu le fais tout seul par la suite. Parce que comme tout à l'heure, dans l'autre hadith, ça disait, lorsque tu marches vers la salat, tu es dans la salat. C'est comme si tu étais déjà en train de faire la salat, alors que tu marches vers la salat. D'accord? Donc le cheikh il dit, wa min adab il mashi ila salat, cheikh Abdul Muhsin, hafizahullah, il dit, ومن آداب المشي إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار والسكينة مع يعني il explique la définition التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. Donc le cheikh il explique qu'est-ce que c'est السكينة et qu'est-ce que c'est الوقار. Donc il dit que parmi les manières, parmi les étiquettes du fait de marcher vers la salat, il y a que la personne qui marche vers la salat doit marcher avec tranquillité et elle doit marcher avec dignité, avec respect. As-sakina, ça veut dire, yani, tu as un pas posé et des mouvements posés. Tu t'énerves pas, tu t'excites pas, tu te précipites pas, non. Tu marches avec calme, avec repos, hein, avec tranquillité. Tu fais pas n'importe quoi, des choses futiles, des choses inutiles. Non, tu marches avec repos et tranquillité et avec une certaine stature, avec un certain respect, avec une certaine dignité dans ta façon de marcher. Tu baisses le regard, tu regardes pas partout. Tu baisses la voix, tu vas pas commencer à crier fort, hein, ou à rire, commencer à faire plein de bruit. Et tu ne vas pas te tourner partout comme ça, regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, partout. Non, tu regardes devant toi, tu baisses le regard, tu baisses ta voix, tu marches calmement, tranquillement, paisiblement. Il dit والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وهو عندهما بلفظ فأتموا وفي لفظ مسلم صلي ما أدركت واقض ما سبقك وهو في مسند الإمام أحمد بلفظ فقدوا بهذا استدل من قال إنما يقضيه المسبوق هو أول صلاته والصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما فأتموا ولأن ما أتى به المصلي أولا هو أول صلاته وما يأتي به آخرا هو آخر صلاته ولأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الركعة الأولى ويمكن رد رواية فقد إلى رواية فأتم لأن القضاء كما يكون لتدارك ما فات يكون أيضا لتمام الشيء والفراغ منه. Donc le cheikh il explique ici différentes narrations de ce hadith et certains termes qui ont été employés dans ces différentes narrations là lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin ce que vous avez attrapé de la prière, priez-le, hein, faites-le, et ce que vous avez manqué, eh bien, yani, faqdou. Et dans d'autres, donc, il dit dans d'autres narrations, comme par exemple, ça c'est la narration qui était selon Abu Huraira, apportée par Al-Bukhari et Muslim, et dans leur narration, il y a fa'atimmu, c'est-à-dire complétez-le. Ce que vous avez manqué, complétez-le. Hein? Faqdou, al-qaba, ça veut dire comme qu'est-ce que tu as manqué, eh bien fais-le. Hein? Et fa'atimmu, ça veut dire complète-le. Dans une autre narration, c'est écrit prie ce que tu as attrapé avec l'imam et ce que tu as manqué, ce qui t'a précédé, eh bien fais-le par la suite, refais-le après. Il dit, yani, ça c'est dans, avec le terme faqdou. Faqdou, c'est-à-dire faites qu'est-ce que vous avez manqué après. Certains ulama, comme vous savez, par exemple dans la prière, lorsque vous arrivez et que l'imam a commencé la salat et que vous manquez par exemple une ou deux ou trois raka'at avec l'imam, vous allez prier ensuite. Supposons que tu arrives dans la prière de Isha, l'imam il récite à voix haute et toi tu arrives à la troisième raka'at. Dans les deux premières raka'at il récite à voix haute, toi tu arrives à la troisième raka'at, il prie à voix basse parce que c'est les deux dernières raka'at pour toi. Pour toi ça va être la première et la deuxième, mais pour l'imam et pour les autres ça va être la troisième et la quatrième. Après tu vas t'asseoir, tu fais le tashahud et le taslim, salam alaikum, tu te lèves pour compléter ta prière. Mais certains savants ont dit quand tu te lèves pour compléter ta prière, ça pour toi ça va être ta première et ta deuxième. Donc tu les entends, ceux-là, ils récitent à haute voix, alors qu'ils ont manqué deux rakats avec l'imam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis que d'autres, quand ils se relèvent après la troisième rakat, ils vont pas réciter à haute voix, parce que ils savent, ils vont dire non. Pour moi, ce n'est pas ma première rakat, c'est ma troisième rakat et ma quatrième. Donc, je vais réciter à voix basse. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, si tu veux, tu peux mettre le qamis pour prier. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans ces cas-là? C'est qu'ils se sont basés sur la version qui dit faqdou. Faqdou. C'est-à-dire, yani, refaites qu'est-ce que vous avez manqué. Toutefois, le cheikh, il dit que ce que la personne a manqué, parce qu'il est arrivé en retard, il a été précédé par l'imam, donc, il dit qu'est-ce qui est correct à ce sujet-là, c'est que ce qu'il fait après l'imam, quand il se relève, ce qu'il reprend de sa prière quand il se relève après après que l'imam a fait le taslim, pour lui c'est la fin de sa prière, la troisième et la quatrième raka'at. Hein? Ce ne sera pas la première et la deuxième. Et il dit la preuve de ça, il dit لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي غَيْرِهِمَا فَأَتِمُّ. Parce que dans le Sahih de Muslim et d'Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fa'atimu » et « Atimu » ça veut dire « complète ». Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Donc ça c'est la preuve que qu'est-ce que tu fais à la fin, après l'imam, c'est la suite de ta prière et non pas le début de ta prière. Donc, ce que tu as fait avec l'imam, ça c'était pour toi le début de ta prière. Et il dit, ce que tu fais après, ça c'est la fin de ta prière. Il dit, et en plus, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que takbiratul ihram, le takbiratul ihram, c'est le premier takbir, dans la première rak'ah, et non pas les autres. Donc si toi t'es dans ta troisième ou quatrième rak'ah, le takbir que tu fais, c'est pas ton takbiratul ihram après, quand tu te relèves après que l'imam a fait le taslim. C'est pas ton takbiratul ihram, c'est un autre takbir. Le takbiratul ihram, tu l'as fait toi quand tu es arrivé lorsque l'imam a commencé sa troisième rak'at. Mais toi tu faisais ta première, pour toi c'était takbiratul ihram. Donc c'est la preuve que quand l'imam termine sa salat et qu'il fait son taslim, que toi tu te relèves, c'est pas ton takbiratul ihram à ce moment-là, c'est le début de ta troisième rak'at. D'accord? Naam. Et il dit وما يأتيه به آخرا هو آخر صلاته لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول ركعة الأولى. Il dit que c'est possible de réfuter la version qui dit faqdu, yani faites qu'est-ce que vous avez manqué, en la ramenant à la narration qui dit fa'atimmu, c'est-à-dire compléter. Parce que il dit que al-qada, كما يكون للتدارك لتدارك ما فات يكون أيضا لتمام الشيء والفراغ منه. Donc quand tu dis القضاء, le fait de faire qu'est-ce que tu as manqué, ça peut vouloir dire de faire qu'est-ce que tu as manqué, mais ça peut aussi vouloir dire de compléter et de terminer quelque chose. القضاء ça veut aussi dire ça. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction entre les deux termes, que ce soit al-qada ou al-itmam. Ok? Après, le cheikh, il dit des exemples de ça dans le Coran. Il dit قال الله كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أتم خلقهن وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي إذا فرغ منها. Tu comprends? Donc al-qada dans le premier verset c'est dans le sens de compléter la création des cieux et de la terre, et dans l'autre verset al-qada dans le sens de terminer. فإذا قضيت الصلاة, lorsque vous avez terminé la salat, que vous êtes sorti, فانتشروا في الأرض, dispersez-vous sur la terre. Donc ça c'est des preuves qu'on peut utiliser le terme qada pour autre que le fait de faire ce qu'on a manqué. Ça peut être aussi dans le sens de compléter ce qu'on a manqué. D'accord? Aynam. Et il dit وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ النَّهِ عَنِ الْإِسْرَارِ عَنِ الْإِسْرَاعِ عِنْدَ سَمَاعِ الْإِقَامَةِ فَلِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي الْإِسْرَاعِ لِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع يشمل ما كان عند سماع الإقامة وما قبل ذلك, ففي صحيح البخاري ومسلم عن قتادة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إذا أتيتم الصلاة إلى آخره. Donc le cheikh il dit que dans le hadith il y a également l'interdiction de se précipiter pour aller à la salat, de se dépêcher. Donc tu ne dois pas te dépêcher lorsque tu entends l'iqama, ou tu ne dois pas te dépêcher également pour attraper la salat. Et il y a des narrations qui comprennent le sens de l'interdiction d'essayer d'attraper la salat, de la même manière qu'il y a l'interdiction de se dépêcher lorsque tu entends al-iqama. Et ça, c'est surtout dans les pays musulmans, parce que dans les pays musulmans, souvent on entend le iqama même avec le haut-parleur de dehors. Donc quand tu marches vers la mosquée, on va dire que t'es à quelques pas de la mosquée, hein, puis là, t'entends tout d'un coup, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Là, tout d'un coup, tu vois, il y a des gens qui commencent à courir pour attraper takbiratul ihram. Comme s'ils commençaient à courir pour... Non. Mais c'est pas juste à la Mecque, même ici. Comme si, par exemple, tu veux venir pour venir à la mosquée ici, là. Tu dis, ah, bientôt, ils vont commencer l'iqama. Là, tu commences à courir. Là, tu vas rentrer dans la mosquée, tu vas être tout en sueur, tu vas être essoufflé, et là, tu vas prier, tu vas même pas avoir le khushu. Et peut-être qu'à cause de ça même, tu vas faire perdre aux autres leur concentration. Et non seulement ça, peut-être à cause de ça, tu vas commencer à dégager des odeurs, parce que tu as couru. Donc le prophète sallam, il a dit non, marchez tranquillement, hein, bis-sakinati wal-waqar. Et qu'est-ce que vous avez attrapé? Vous attrapez. Qu'est-ce que vous avez manqué, vous? Vous le reprenez après. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا وفيك بركة أخي.